Christ, Ndikomanyanga. Nous sommes samedi 1er août 2020. Bienvenue à ce journal édition de la mi-journée de ce samedi. Donc voici d'abord la charpente. Après trois jours que des masques étaient distribués aux chauffeurs et convoyeurs, certains d'entre eux ne portaient pas ces masques. Le secrétaire général de l'Atrabou déplore la situation, cette réticence de certains bénéficiaires et appelle au respect de port de ces masques pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus. Les industriels au Burundi déplorent l'insuffisance de l'énergie électrique. Vous entendrez dans ce journal le vice-président de l'Association des industriels du Burundi qui explique que cette situation est un handicap majeur à ce secteur industriel. Et la route Kangamaramza est impraticable. Les habitants de Mubone qui empruntent cette route appellent à la réhabilitation de cette dernière. Eric Ouimana sur la mise en note. Isanganiro. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Certains habitants de Karoussi disent être inquiets de la montée des cas de tuerie de ces jours-ci dans cette province. Ils ont fait savoir que 7 personnes ont été retrouvées mortes durant ce mois de juillet et expliquent cette inquiétude par le fait que la plupart ont été assassinés, étant dans leur famille jusqu'à la mutilation de leur corps. Et les bourreaux restent inconnus. Ce qui est aussi confirmé par les autorités administratives et judiciaires qui l'expliquent aussi par le cas de deux personnes retrouvées tuées ce jeudi. Les détails avec Blaise Pascal Karoumi. Certains des habitants de Karoussi s'inquiétant de la recrudescence des cas d'assassinat observés ces jours-ci dans la province Karoussi, ils qualifient le double meurtre de ce jeudi de terrifiant. Ils disent incompréhensible de retrouver le matin deux corps sans vie, égorgés et sexe mutilé, mais aussi poignardés, allongés dans un même endroit où vivent les gens non loin des ménages. Les deux corps étant ceux d'un homme et d'une femme d'une cinquantaine d'années qui ont été retrouvés au lieu du crime à la colline Ushirambeho de la commune Wihiga. Les deux corps faisant ainsi 7 personnes retrouvées tuées au cours de ce mois de juillet dans la province Karoussi après les cas constatés récemment à Gihogazi, Bugenyuzi et Gitaramuka. Il s'étonne que ces assassinats seraient exécutés sous la complicité de certains responsables administratifs, certains membres des comités mixtes de sécurité, mais aussi les voisins de ces derniers. La même inquiétude est soulevée par l'administrateur communal de Wihiga et le procureur de la République public de Karoussi. Ceci indique qu'ils ont remarqué ce jeudi passé que la population sur place à Ushirambeho, au lieu du crime, la population ne voulait pas dire un mot sur ce double meurtre. Il signale que 9 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Ces habitants demandent ainsi des mesures et des enquêtes approfondies pouvant arriver à arrêter cette tuerie. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. De Karoussi, rendons-nous à Muyinga Côté pour parler de la politique. La campagne électorale pour les élections collinaires se fait de porte à porte sur fond de diverses promesses et petits cadeaux. Alors que le lancement de la campagne est prévu pour ce 1er août, certains des habitants précisent que les propagandes ont presque été terminées. Un administratif en fin de mandat conseille aux candidats à ne pas dilapider leurs biens pour s'attirer la sympathie des électeurs, mais plutôt mettre en avant les alternatives aux problèmes communautaires. Domuyinga, reportage signé Dieudonné Nziman. Pas d'indicateur d'existence d'une campagne électorale ici et là sur les collines. À Louisy, des dizaines de citoyens participent plutôt à l'évaluation des activités de leur association d'entraide mutuelle. Ils expriment les qualités attendues du leader à élire. Un chef qui se soucie des droits de la femme, la scolarisation des enfants, le développement de la colline, signalent ces citoyens. La campagne électorale pour les collinaires commence le 1er août et pour se clôturer le 21 du même mois. Ici comme ailleurs, la campagne porte-à-porte presque terminée sur fond de distribution de dons et des boissons. Ces électeurs de Louisy s'engagent à continuer à bouffer l'argent des corrupteurs et que cela n'aura pas d'incidence sur le vote secret. Je vais boire tout ce qu'on va mourir, mais je sais qui voter signifie cet homme. Quand on vient vers moi avec des cadeaux, je ne peux que prendre. On votera pour les sages et non les ivrognes qui sont entrés de dépenser leur Martel, cette femme, Gervais Bouradame, chef de Corinne en fin de mandat, il a un conseil à prodiguer au candidat. Nuko, la tosse sa gulivie, oui. Il signale qu'il ne faut pas miser sur la corruption, mais proposer des solutions aux problèmes qui hantent la société. Au niveau de la commission électorale provinciale indépendante, l'on précise qu'offrir de l'argent pour s'attirer la sympathie des électeurs est non seulement interdit, et que s'il y a preuve de corruption, des sanctions peuvent être infligées. Ruizi, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Vous nous excuserez de la qualité sonore de cet élément attaqué par le virus. Énergie à présent, l'énergie électrique n'augmentait pas par rapport à l'évolution du secteur industriel au Burundi. Le constat d'Emmanuel Nakarutimana, vice-président de l'Association des industriels du Burundi. Selon lui, cette situation touche les industriels et surtout pendant les heures de pointe la journée. Il espère cependant que l'énergie va accroître compte tenu des projets du gouvernement sur l'augmentation du potentiel électrique. Suivez Emmanuel Nakartiman. Les entreprises, ils essaient de s'adapter, mais on espère que, oui, ils sont un peu perturbés parce que il y a certaines entreprises, sociétés industrielles pour lesquelles vous trouvez que les capacités installées ne sont pas suffisamment installées et utilisées. La plupart de ces industries, ils font ce qu'on appelle la sous-exploitation de ces capacités installées. On espère bien que, au moins, la régie des eaux va essayer de donner une énergie suffisante au niveau industriel. Je peux confirmer que l'industrie reste vraiment le moteur du développement économique. Et je peux le dire, par exemple, vous savez, le secteur industriel, c'est le secteur qui crée beaucoup d'emplois. Considérant le niveau d'énergie qu'on a aujourd'hui, les industries ont un rôle très important dans le développement du pays. Par exemple, on avait un problème très sérieux de la matière première, parce qu'au niveau primaire, là, il y avait un problème de financement. Mais aujourd'hui, vu les orientations du gouvernement du Burundi, aujourd'hui, une fois que les projets des jeunes soient effectifs, on voit que les jeunes peuvent contribuer là-bas au niveau du secteur primaire, et en format de coopérative, en format, disons, de projets de production au niveau de l'élevage et de l'agriculture, et cela à travers des coopératives et consorts. Et cela peut contribuer à la disponibilité, premièrement, des biens alimentaires, des denrées alimentaires. Il y a une partie qui sera consommée localement, mais il y a une autre partie, et une grande partie, qui sera consommée par les entreprises industrielles. Qu'est-ce qui doit être fait? Je pense que la responsabilité est relativement partagée. Chaque partie devrait voir ce qu'il peut faire comme contribution. Je donne un exemple au niveau des industries. Les industries peuvent aussi développer des stratégies de production locale ou de production interne. C'était Emmanuel Nakarutimana, non Emmanuel Nakarutimana. Une courte pause. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page société à présent, l'association des transporteurs du Burundi, à Trabou en sigle, met en garde tout chauffeur ou convoyeur qui n'obéit pas à la mesure du port obligatoire du masque pour se prévenir contre la pandémie de coronavirus. Charles Niramheba, secrétaire général de cette organisation, dit que le comité de supervision de cette organisation va suivre de près les récalcitrants qui peuvent même être suspendus à vaquer à leur activité. Je vous propose de suivre ces propos qui ont été recueillis par Moïse Misago. Comme vous avez vu, et c'est vrai, ce mercredi, on a lancé une campagne de port obligatoire de masques pour tous les convoyeurs et chauffeurs. Actuellement, il y a des chauffeurs et des convoyeurs qui sont conformes à cette mesure. Mais il y a d'autres égarés et qui ne veulent pas respecter cette mesure. D'ailleurs, je profite de cette occasion et pour lancer un appel Vibra à toutes ces personnes qui sont concernées par cette mesure de se réajuster, porter le masque comme l'association les a recommandé. Et c'est dans le but de mettre en pratique la mesure qui a été prise par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, qui nous demandait de porter les masques. Alors, dès ce mercredi, il y a certains convoyeurs et certains chauffeurs qui ne portent pas les masques, mais on espère que cette mesure doit être mise en pratique pour que tout le monde puisse porter obligatoirement le masque dans le but de se protéger eux-mêmes, mais aussi pour protéger les passagers. Comme on l'a dit, nous avons une équipe de superviseurs qui se trouve toujours sur le terrain. C'est cette équipe-là qui va nous aider à mettre en pratique cette mesure. Nous pouvons même recommander aux superviseurs d'interdire tous les chauffeurs et convoyeurs qui ne portent pas ces masques à continuer à vaquer à leurs activités. Nous sommes autorisés par notre règlement de l'ordre intérieur. C'était le secrétaire général de l'ATRABOU, Association des transporteurs du Burundi. Faire travailler les enfants en vacances a un impact négatif sur eux, comme l'abandon à l'école à cause de l'argent perçu. Ceci est dit par Cassien Gachirahamwe, vice-président du collectif pour une éducation de qualité au Burundi. C'est au moment où il s'observe à Gitega des enfants qui ont entre 13 et 14 ans travaillant sur différents sites où on fabrique des briques. Cassien Gachirahamwe demande qu'elles soient traduites en justice, ce qui leur donne du travail. Arthur Kavabushi, reportage. Ces enfants qui travaillent pendant les vacances sont visibles en grande partie dans les vallées où il y a des sites de fabrication des briques et ont entre 13 et 14 ans en âge non requis pour le travail. Certains d'entre eux avec lesquels nous sommes entretenus disent que c'est pour avoir de l'argent qui va aider les parents à leur acheter le matériel scolaire. Par exemple, une jeune fille qui passe en quatrième année et qui a 13 ans dit qu'elle est venue travailler pour avoir de l'argent pour acheter les chaussures et le stylo. Un autre jeune garçon qui passe en huitième année et qui a 14 ans dit qu'il est venu travailler pour avoir de l'argent et ne pas avoir à demander à ses parents de lui acheter les chaussures pour l'école. Cassien Gachirahamwe, vice-président de la coalition pour une éducation de qualité au Burundi, dit que cela a un impact négatif. Au palais, nous les conseillons en fait de chercher de l'argent autrement et ne pas en fait vendre les enfants. Parce que en fait, un enfant qui commence à travailler à cet âge se fatigue de telle façon que une fois reprendre les études, ils auront des problèmes. Aussi, un enfant qui s'est habitué à manier de l'argent, aussi c'est un problème. Il a la tendance de continuer à manier l'argent et peut-être ils vont abandonner l'école pour continuer à travailler pour l'argent. En fait, c'est un comportement décourageant. Cet expert en éducation indique qu'il faut traduire en justice ceux qui font travailler les mineurs. Identifier les personnes qui exploitent ces enfants, de les traduire même en justice parce qu'en fait, c'est contre la loi. Cassien Gachirahamwe fait savoir qu'ils viennent d'implanter leurs antennes depuis les chefs-lieux de province jusque dans les collines pour aider à suivre de près les questions liées à l'éducation dans le pays. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi pour tous ces détails. La route Kanga vers Maranza est impraticable suite à des eaux de la rivière Mugasenyi qui se déversent dans cette route. Des habitants de Mubone qui empruntent cette infrastructure publique indiquent que la cause de cette situation est une canalisation qui n'a pas été achevée. Ils demandent que la route Ridia, la zone Kinama à Maranza, soit réhabilitée. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Cette route reliant Kanga, Mubone et Maranvia, impraticable aujourd'hui, à 1 km de Kanga, on trouve des eaux stagnantes au milieu. Les habitants de cette localité disent que c'est un problème pour se déplacer. Le problème que nous avons, c'est le problème de cette rivière que vous voyez vous-même, la rivière Gasenyi. On a canalisé cette rivière jusque dans cette rivière que vous voyez. Il y a beaucoup de dégâts, par exemple, le problème d'inondation qui a causé des problèmes majeurs. Il y a des gens qui ont déjà déménagé dans nos quartier et surtout les gens qui habitent dans le quartier Kinyangonge, quartier Mubone, qui ont déjà quitté dans d'autres quartiers qui n'ont pas ce problème causé par cette rivière. Le problème que nous avons ici, c'est la rivière Gasenyi dont la canalisation n'a pas été achevée. Sur ce, les eaux se déversent dans le quartier Mouone au lieu de se déverser dans la rivière Gikoma. C'est cela qui est à l'origine de cette destruction de la route reliant Kanga, Mouone et Maranvia. La canalisation canalisation devrait aller jusqu'au lac Tanganyika, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont construit cette canalisation jusqu'au quartier Buhinyuza seulement. Julien Manirakiza, chef du quartier Mubone, un des quartiers de la zone Buterere, affirme être au courant de ce problème et demande à l'État de tout faire pour reprendre les activités de canalisation de cette rivière Gasenyi, partageant même souhait avec ses habitants. Nous demandons que cette rivière soit drainée jusqu'au lac Tanganyika. Pour résoudre ce problème, nous voulons que la canalisation de cette rivière soit achevée ou qu'on change sa direction pour qu'elle puisse se déverser dans la rivière Muzazi. Si ce n'est pas possible, qu'ils fassent la canalisation jusqu'au lac Tanganyika, comme l'avait annoncé le ministre. Nous sommes comme des prisonniers, nous qui habitons à Mouone. La route est devenue impraticable, même les petites voitures ne peuvent pas passer ici. Ils cherchent des solutions pour nous faciliter le trafic, comme pour les autres. La situation se présente ainsi au moment où les activités de canalisation de cette rivière Gasenyi ont été suspendues il y a cela une année. Jean-Marie Mayonga, dernier dossier de ce journal. Certaines parmi les femmes enceintes qui se présentent au bureau communal de Kirundo pour obtenir des papiers à présenter dans les structures sanitaires au moment de l'accouchement disent qu'elles passent toute la journée, même plus de deux jours d'attente. Jeannette Kangoro, administrateur de la commune Kirundo, dit que cette question est connue, qu'ils attendent que ce service soit informatisé. Les détails avec Agnès Nambagat. Certains parmi les agents de l'état civil affirment aussi qu'il faut un temps pour effectuer un tel travail afin d'identifier l'acte et le volume de chaque individu sans erreur, étant donné que ce service est daté de 1980. L'administrateur de la commune Kirundo, Jeannette Kangoro, explique que ce service n'est pas informatisé, mais ce service n'a jamais enregistré aucun cas de perte de documents depuis de longues dates. Malgré cela, certaines parmi les femmes enceintes qui se présentent au bureau communal de Kirundo se plaignent de passer toute la journée, même plus de deux jours, d'attente de documents à présenter dans les structures de soins au moment de l'accouchement. Ces femmes disent qu'elles éprouvent des difficultés dans l'accomplissement des autres tâches ménagères, surtout qu'elles sont faibles quelquefois. Jeannette Kangoro dit que cette question est connue, qu'ils sont en attente de ceux qui sont chargés d'informatiser ce service et que d'ici peu de temps, ce problème sera vite résolu. De Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. C'est sur correspondance d'Agnès Naumagadze que nous bouclons ce journal. Merci d'avoir été à l'écoute de cette édition. Merci à Rick Wiman pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndzikubanyanga. Bon week-end chez vous. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Une ère nouvelle s'est ouverte à Kayogoro pour la presse, écrit l'éditorialiste du journal Iwachu. Allusion faite à l'attitude des autorités administratives de Makamba qui ont agréablement surpris ses reporters en les encourageant dans leurs investigations sur une affaire qui défrait la chronique. En effet, des policiers et des autorités à la base, des jeunes Imbonerakure sont accusés d'extorsion de fonds et d'assassinat. Les victimes sont des travailleurs saisonniers de retour de la Tanzanie. Jusqu'ici, mener une telle enquête était risqué, fait remarquer notre confrère, qui n'oublie pas que le 22 octobre 2010, nos collègues Agnès, Christine et J.D. Terrence se rendaient à Bubanza, également pour une investigation. Ils ont été arrêtés avant même de commencer leur travail et sont en prison depuis plus de 9 mois. L'enquête Kiwachu vient de mener à Kayogoro et dont les conclusions sont à lire dans l'apparition de cette semaine sous le titre « Malagarazi ou le voyage sans retour » démontre que 4 policiers et 12 civils, dont un chef de zone, ont été arrêtés. Certes, reconnaît l'éditorialiste de cet hebdomadaire. Iwachu n'a pas pu faire toute la lumière car l'affaire est très complexe. Elle implique plusieurs autorités qui pèsent parfois sur l'administration, la police, la justice. Est-ce une nouvelle ère entre la presse et les autorités qui s'est ouverte à Kayogoro, s'interroge notre confrère, avec un optimisme modéré, puisque pour lui, c'est l'avenir qui nous le dira. En tout état de cause, note cet hebdomadaire, ce serait une attitude gagnante pour le gouvernement et pour la presse. Et cet éditorialiste dit Iwachu de conclure, laisser travailler sans entrave la presse indépendante est un signe de maturité d'un pouvoir qui veut construire une nation apaisée, démocratique. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a procédé mardi 28 juillet 2020 à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre régional de formation technique professionnelle et de perfectionnement pour l'insertion socio-professionnelle. L'agence burundaise de presse qui rapporte cette information précise que ce centre est installé sur la colline Roussi de la commune Chombo en province Karoussi et souligne aussi que cette infrastructure sera fonctionnelle d'ici le mois de juillet prochain. Logé dans un espace de 157 hectares, ce centre régional en construction sera composé de salles de classe, d'un internat de 1000 élèves, d'une salle polyvalente, d'un bloc de direction, d'une salle d'exercice pratique et des terrains de jeu, précise ce quotidien. Revue de la presse. Un ouf de soulagement pour les transporteurs, écrit Burundi Echo, citant l'Association des transporteurs internationaux du Burundi, ATIB. Aujourd'hui, les membres d'équipage ne sont plus confinés pendant 14 jours à cause de la pandémie du coronavirus. Eric Nhangaro, secrétaire exécutif de l'ATIB, fait également remarquer dans les colonnes de cet hebdomadaire qu'au niveau routier, maintenant les camionneurs et les convoyeurs prennent le départ si les résultats des tests sont négatifs. Ensuite, les certificats testés négatifs à la COVID-19 octroyés aux camionneurs et aux convoyeurs sont enregistrés électroniquement au niveau de la communauté est-africaine, ce qui fait que leur suivi sera facile et ne nécessitera pas des arrêts au niveau des frontières, ce qui diminuera les embouteillages au niveau des frontières, précise Nhangaro. Et de se réjouir, les nouvelles procédures offrent une occasion de gagner du temps dans le voyage, ce qui peut impacter aussi sur les prix des produits importés, conclut Burundi Echo, hebdomadaire spécialisé dans les questions socio-économiques. Les infrastructures scolaires ne sont pas adaptées aux élèves handicapés, regrette le journal La Voix de l'enseignant. C'est dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation qu'un directeur d'une école fondamentale dont les constructions sont érigées en étage sans allée pour les personnes handicapées témoigne que pour un élève handicapé utilisant des béquilles, les camarades de classe sont obligés de le porter au dos en montant ou en escaladant les escaliers. C'est de même que dans beaucoup d'écoles, les enseignants ne sont pas à mesure d'enseigner les enfants handicapés comme les sourds, les muets ou les malvoyants parce que les enseignants ne sont pas préparés pour les accompagner, selon le directeur du Centre de services et inclusion des personnes handicapées à l'Union des personnes handicapées du Burundi. Un point positif quand même, selon notre confrère, qui rapporte aussi que l'UPHB a été associé dans 8 écoles qui prennent en charge les enfants handicapés, dont 3 à Gitega, 3 à Bujumbura, 1 à Makamba et une autre à Muyinga. Cependant, à part ces écoles, aucune autre initiative n'a été faite dans le cadre de l'éducation inclusive, regrette-t-il. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.